Les râles crépitants sont des bruits courts, explosifs. On distingue selon leur hauteur les crépitants fins et les gros crépitants. Écoutez d'abord des crépitants fins.